Je pense que ce territoire pourra devenir un modèle, une source de richesse non seulement matérielle, mais spirituelle pour les pays voisins. J'ajoute, une fois encore, que je suis déterminé pour ma part, et je pense que certains d'entre vous ont dû déjà s'en apercevoir, que je suis déterminé pour ma part, non seulement à vous aider avec la plus grande loyauté, de cela vous pouvez être sûr, mais également à consacrer tous mes efforts, toute ma vie, à ce pays pendant le temps que j'y passerai, comme représentant de la France. Messieurs, je vous remercie.